À bientôt sur Radio Fadjet. Vous écoutez Fadjet, c'est plus qu'une radio. Joyeuses fêtes, il est 17h. Une fois par mois, de 17h à 17h30, calez votre transistor sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence pour écouter un coup d'œil dans le rétro. Bonjour à tous, vous êtes sur Fadjet 94.2 ou peut-être sur le net sur www.fadjet.net. Bienvenue dans notre émission Un coup d'œil dans le rétro. Une fois par mois, nous décryptons toute l'actualité du rétro qui fait son grand retour depuis plusieurs années. On vous informe sur les tendances musicales, la mode, la déco, mais aussi les loisirs, les sorties au niveau local et national. En somme, une émission où on vous parle du passé. Au présent, ma partenaire de jeu habituelle, depuis un an et demi, voire deux ans bientôt, on fêtera en janvier les deux ans, c'est Anna. Bonjour à toi, Anaïk. Bonjour à tous. Ça va bien ? Ça va bien, merci. Alors, quel va être le sommaire du jour ? Alors bah aujourd'hui, au sommaire donc, de cette nouvelle émission d'Un coup d'œil dans le rétro, on va jeter un coup d'œil, c'est qu'à le dire, sur les jouets anciens. Voilà, c'est l'époque des cadeaux, notamment pour les enfants, donc on va parler des jouets. On va aussi revenir sur un vêtement qui revient à la mode pour la saison 2016, le pull jacquard. Et oui, donc aussi bien pour les dames que pour les messieurs. Puis on parlera, c'est qu'à le dire, des vieilles expressions. Voilà, ça va être le temps aussi du repas avec papy et mamie, donc... Je pense que vous serez au top. Et puis enfin, on abordera les sorties sur Nancy et un petit peu plus loin. Voilà. Ok, on va commencer tout de suite. Oui, alors on va commencer. Donc je le disais tout à l'heure, on va jeter un petit coup d'œil donc, sur les jouets anciens avec toi François. Et quoi de mieux bah, pour raviver les souvenirs de chacun que les jouets bah, qui ont traversé un peu toutes les époques. Alors oui, effectivement, les jouets qui ont traversé toutes les époques, on en a eu, nous aussi. C'est un petit jouet qui tourne. Alors, c'était peut-être un des plus simples, finalement, mais avec lequel on peut s'amuser. Il suffisait simplement de deux doigts pour jouer à cette petite toupie. Vous l'aurez peut-être reconnu, c'est une invention très ancienne. Hein. La toupie, ça remonte à la haute antiquité. D'ailleurs, les fouilles archéologiques ont en effet permis de retrouver des toupies en argile datant de 3500 avant Jésus-Christ dans la ville de en Irak et dans les tombes égyptiennes, des peintures murales représentent des enfants jouant avec des toupies. Ce type de jouet existait aussi donc en Chine il y a plus de 4000 ans. Si les matériaux et les formes diffèrent, pierre, bois, bambou, terre cuite, le principe de ce jeu est partout le même, lancer la toupie et la faire tourner le plus longtemps possible. On peut aussi jouer en évaluant la distance parcourue ou en faisant tomber un maximum de ki. Récemment, les toupies, alors un terme américain, Beyblade Metal Fusion, alors attention, ça c'est de la toupie, hein, équipé d'un lanceur qui permet d'augmenter la vitesse et le temps de rotation quand on la lance bien, ont relancé la mode de ce jouet. Les toupies high-tech se composent de 5 pièces que l'on peut assembler. On peut ainsi customiser sa toupie pour la rendre plus performante. Oui, alors ça c'est plus effectivement les toupies un petit peu plus des jeunes, opposées un petit peu aux toupies anciennes où justement il n'y avait pas ce système en fait, de cordes pour lancer la toupie. En fait. Il faut des bagarres de toupies, hein, je crois aussi. Ces toupies la nouvelle, c'est des bagarres de toupies sur un petit ring. Et d'ailleurs, ils en ont sorti, je crois, un dessin animé aussi. Effectivement, si. Alors, je n'ai plus le nom en tête, mais d'ailleurs, peut-être que sur le Facebook, vous pouvez, si vous êtes à l'écoute de Fadjet et surtout de Coup d'œil dans le rétro, n'hésitez pas à nous donner ces infos. Et ça passait en ce moment ou dernièrement sur Gulli ou d'autres chaînes de télévision. C'est des petits dessins animés où ce sont des jeunes qui sont propriétaires de toupies et qui se battent aussi. D'accord. Avec ces toupies-là. C'est la compète, quoi. C'est la compète. Alors, il y avait aussi un deuxième jouet. Oui. Et ça, peut-être que ce terme-là, on ne le connaît pas. C'est les voiturettes Matchbox. Mais alors, elles étaient aussi appelées majorettes. Vous avez certainement joué dans votre enfance au cours des années 80 avec des petites autos miniatures. Les quarantenaires ont forcément possédé au moins une voiturette majorette ou un modèle donc de la célèbre marque de miniatures Matchbox sur lesquels les parents se pétaient notamment les pieds en marchant dessus. Mais pas que les parents, effectivement. Ça faisait partie du... Le pétage de pieds, c'était ça ou les pattes de lit. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Mais les petites voiturettes, on aimait bien encore. Voilà. Puis en plus, tu pouvais te tordre la cheville parce que ça glissait. Quand on marchait dessus, c'était sympa, ouais. Voilà. Alors, pour savoir la petite anecdote, le nom Matchbox est né en 1953 comme une marque de la société britannique de jouets Lenné, fondée par Leslie Smith et Rodney Smith. L'entreprise est née lorsqu'un collaborateur des Smith, John O'Dell, appelé Jack, fabrique une miniature pour sa fille pour qu'elle puisse facilement l'emmener à l'école. Les jouets Matchbox étaient appelés ainsi parce qu'à l'origine, les modèles étaient emballés dans des boîtes semblables à des boîtes d'allumettes. Tout à fait. Donc le nom Matchbox est devenu le nom générique pour toute miniature mesurant approximativement 6,5 cm de long, indépendamment de la marque. Dans les années 70, alors cette fameuse boîte d'allumettes a laissé place au classique emballage plastique et carton utilisé par les autres marques telles que Hot Wheels. Moi, j'en ai eu, les Hot Wheels. Vous avez des flammes. Les petits garçons ont eu quand même tous au moins une voiture cette marque. Ouais. Elles avaient des flammes sur les côtés. C'était un peu tuné quand même, les Hot Wheels. Le conditionnement en boîte d'allumettes a été récemment réintroduit pour le marché des collectionneurs. Et donc, malheureusement, la société Lenné, elle a fait faillite le 11 juin 82. Et les biens de la société ont été vendus et revendus et finalement ont été achetés par la célèbre marque Mattel, qui quand même a racheté quand même pas mal de marques de jouets. Hein. C'est vrai que... Effectivement. Si on veut donner un troisième jouet qui était un peu présent dans les familles à cette époque-là, c'est aussi les patins à roulettes, mais pas des moindres, les Fisher Price. Alors tu peux avoir une sous-marque, mais tu as le Fisher Price, t'as quand même la style. C'était canon, quoi. T'es franchement, avec les couleurs. Effectivement, Fisher Price, c'était une marque de jouets appartenant encore au groupe Mattel. C'était une gamme pour bébés et jeunes enfants. Et en 1930, Herman Fisher et Irving Price et Helen Schell décident de réunir leurs talents pour créer une fabrique de jouets en vue d'accompagner l'éveil des enfants. Les patins Fisher Price, en gros, ça nous apprenait les joies de tomber, les joies du mercurochrome, le penchement des héros. On se souvient du bruit du plastique contre le macadam avec un vague son de roulement avec ses patins. On marchait plus qu'on roulait finalement. C'est vrai qu'on n'avançait pas trop en fait. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait effectivement une pub qui était sortie sur les patins Fisher Price où le pauvre gamin en fait essayait d'avancer tant bien que mal, mais c'était Il savait déjà à peine marcher, donc c'était déjà compliqué de faire du roller. Mais alors pour les parents par contre, c'était pratique parce que les patins étaient réglables et permettaient alors justement d'ajuster à la croissance de l'enfant, voire de passer au petit frère, au petit-fils. Donc plus besoin d'acheter de nouveaux rollers tous les deux mois. La publicité 1, 2, 3, patin à roulettes de Fisher Price, elle datant de 1989. Alors, où trouver ? Oui, parce que effectivement, tous les jouets anciens, je pense qu'on peut en trouver. Alors, on peut en trouver où ? Sur Nancy, il y a plusieurs adresses, notamment la boutique d'antiquité Magic Bus à Vendeuve-les-Nancy. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y en a une à Tomblaine aussi, François, je crois. Non ? Chez Tom Jouet. Ouais. Et donc, c'est un spécialiste de maquettes de voitures, avions et jouets de collection. Il y a aussi Auto Miniature, qui est rue Mont-Désert, qui est d'ailleurs une vieille boutique. Ouais. Et Bonhomme des Bois, rue d'Amerval à Nancy, et la Caverne du Gobelin aussi, rue de la Monnaie à Nancy toujours, ou alors dans les foires aux jouets, les brocantes, c'est vrai troc. On peut dégoter pas mal de ces petits jouets anciens sur des brocantes aussi, sur le site Vcom Vintage aussi, je repense à elle aussi qui en vend. Qui en vend. Ouais. D'accord. Donc ça, c'était notre petit point jouet. Ça peut vous donner des idées. Et c'est vrai que c'est la tendance un peu du moment de retrouver des jouets d'enfance. C'est d'abord un choix des parents, finalement, de reproposer ça aux enfants. Ouais. Et on connaît bien, effectivement, c'est un petit côté un peu marketing. On touche les parents et puis après, les enfants peuvent avoir ces jouets d'antan chez eux et en jouer. Et d'ailleurs, c'est vrai que moi, j'avais beaucoup de choses aujourd'hui et ça me touche quand je revois des petits jeux comme le Qui est-ce ou comme d'autres jeux auxquels je jouais quand j'étais petit et donc qu'on trouve encore aujourd'hui dans le commerce. Alors, on va faire une petite pause musicale. Il est 17h08. On va s'écouter Bob Dylan. Thunder of the Mountain, vous êtes à l'écoute de Fadjet. Un coup d'œil dans le rétro. On est ensemble jusque 17h30. Vous êtes peut-être dans votre voiture, vous rentrez chez vous, je ne sais pas. Profitez du moment. Ce soir, a priori, c'est les vacances scolaires. Pour nous aussi. Thunder on the mountain and as far as the moon. The ruckus in the alley and the sun will be as soon. Today's the day you're gonna grab my trombone blues. Well, it's hot stuff, yeah, and it's everywhere I go. I was thinking about Alicia Keys. Couldn't keep him quiet when she was born in Hell's Kitchen. I was living down the line. I'm wondering where in the world Alicia Keys could be. I've been looking for her even clear through Tennessee. My my soul is beginning to expand. Look into my heart and you will sort of understand. You brought me here, now you're trying to run me away. The writing on the wall, come read it, come see what it says. Bob Dylan, Thunder on the Mountain. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 17h30 sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors vous êtes à l'écoute effectivement d'un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois, le troisième vendredi de chaque mois, sur les ondes de Fadjet sur 94.2, mais aussi sur le net, hein, pour ceux qui ne sont pas sur Nancy, www.fadjet.net. N'hésitez pas à aller voir notre petite page fan et à nous faire un petit like, ça nous fera du bien, ça nous fera plaisir. Alors, chaque mois, effectivement, nous balayons différents domaines, et notamment la mode, et la mode, je suis un spécialiste du ringard, en la matière, il y a moi. Parce que on va parler d'un article particulier, en particulier, c'est le pull jacquard. Alors aujourd'hui, il faut être solide hein, pour le porter, le pull jacquard. Alors dis-nous un petit peu plus, Anaïk, sur cette mode-là. Alors oui, alors faut être solide, oui et non, parce qu'en fait, le pull jacquard, effectivement, revient à la mode, donc notamment pour l'automne-hiver 2015-2016. Ça propose un véritable voyage dans le temps, effectivement. Donc on retrouve en fait le chic des années 50-60 avec des robes coupe midi et pantalon droit, dont on vous a d'ailleurs parlé lors d'une précédente émission. Mais aussi, effectivement, le twist un peu des années 60. Avec le fameux pull jacquard. Alors le pull jacquard, vous me direz... Il nous fait penser à quoi, oui. Il fait penser à quoi, exactement. Donc si le pull jacquard nous évoque un peu le froid, la neige, un peu le ski, les pays nordiques, on parle souvent de pull norvégien, ce motif a été inventé en fait par un Français. Et oui, comme quoi. Oui. Donc en fait, le pull doit son nom à un métier à tisser, donc le métier à tisser le jacquard. On peut rappeler ce que c'est que le métier à tisser ? Alors le métier à tisser le jacquard donc, a été créé en 1801 par un Lyonnais, Joseph-Marie Jacquard, qui a imaginé en fait un métier à tisser capable de faire au crochet des motifs compliqués. D'accord. Donc ça permettait, je crois que c'est avec un système de cartes perforées en fait, qui permettait de tisser plusieurs choses à la fois, si je ne me trompe pas. Donc de nos jours, les métiers jacquard de grande dimension et entièrement automatisés produisent la plupart des tissus à motifs pour l'habillement, mais aussi l'ameublement, le linge de maison et plein d'autres choses. D'accord. Donc le pull jacquard, c'était une star, mais à quelle époque ? Alors, star incontesté, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les années 70, il voit revenir donc le pull jacquard de notre enfance, donc grandement influencé par la tendance un peu hipster. Ouais, c'est, et c'est vrai que les hipsters en portent pas mal. Ils en remettent un peu à la mode les pulls tricotés par nos grands-mères. On a tous le souvenir un peu douloureux du pull à motif. Hein, oui, parce que moi aussi j'en ai eu un. Que mamie nous offrait. Exactement. Qu'on recevait un peu en cadeau pendant la période des fêtes. Voilà. On le portait en général une seule fois et puis après, on le mettait un petit peu au fond de l'armoire. On essayait de pas apparaître absolument sur les photos hein, parce que sinon c'était une catastrophe. C'est vrai, pour un peu que ça soit la photo de classe aussi à ce moment-là, t'étais pas dans le... Non, c'est ça, oui. Et puis après, surtout, ça dépendait du motif, mais ça pouvait être terriblement humiliant, l'adolescence passant. Oui, mais rappelez-vous un petit peu d'un film un petit peu culte, oui. Notamment avec la scène mythique de la comédie Bridget Jones, où l'acteur Colin Firth porte un magnifique pull avec un caribou au nez rouge. Alors effectivement, on n'est pas tous Colin Firth non plus. Alors, je sais pas, mais si vous allez en ce moment dans certaines enseignes, de grandes enseignes, vous remarquerez qu'il y a des pulls de Noël avec des cerfs en plein milieu du torse, des animaux un petit peu sauvages de la forêt. Et par Noël aussi, peut-être à Noël. Oui, et ça peut rappeler un petit peu le pull jacquard, effectivement. C'est ça. Donc, outre-manche aussi, il faut savoir que cette mode fait un peu fureur et est appelée les Christmas Jumper, en traduction. Donc, le jumper, c'est le bon gros pull, le pull over. Ouais. Et le pull jacquard, en fait, est avec un motif central ou des frises à petits motifs. Et ça nous rappelle un petit peu Noël, en fait. Ils sont portés par de nombreuses personnalités, donc... et suscite un certain engouement. Il y a d'ailleurs une journée qui s'appelle le Christmas Jumper Day qui leur est consacrée donc le 14 décembre, notamment au profit de l'association pour les enfants sauver les enfants. Donc c'est vrai qu'à Londres notamment, je pense que c'est un gros succès. D'accord. Et donc alors oui. Si on poursuit. Oui. Comment reconnaître le pull jacquard? C'est ça, comment reconnaître le pull jacquard? Alors le pull jacquard, il est assez reconnaissable, donc à ses formes géométriques au niveau du col et des épaules, tricoté dans des tons un peu gris-bleu, marron, rouge sur des fonds blancs. Donc il y a des motifs, il faut le porter vraiment sans complexe, et puis pas forcément au ski, c'est assez chaud, c'est confortable, et puis c'est de nouveau branché. Donc pour résumer, François, je pense que oui. tu pourras nous dire quand même quoi sur le pull jacquard, parce que De l'image ringarde. Ouais. Loin de l'image, c'est plus l'image ringarde. Elle est véhiculée par Michel Blanc, voilà, c'est ça. Ouais. Elle est bronzée fond du ski. Même si je pense que si je le mets aujourd'hui, j'ai quand même un peu peur. Enfin bon, c'est du pull ringard tricoté par sa grand-mère. Le pull jacquard s'impose quand même. Il faut le dire. Allez, faut l'assumer maintenant avec des collections rajeunies. Et il est unisexe dans la mesure où on le retrouve autant dans les collections femmes, hommes et enfants. Et ce donc dans toutes les grandes enseignes. Et donc, allez. On se met un petit pull jacquard. Parce qu'il ne faut pas être seul non plus à porter ça. Hein. Si vous êtes en couple, portez-le tous les deux. Ça assume plus facile. Sinon, faites-le porter à toute la famille. Ouais, mais on joue la différence comme et ça. On joue la différence. Mmh. Et surtout, sachez une chose. C'est à la mode cet hiver. Oui, et je donc, vous voilà. le dis. Et bah oui, donc profitez-en un maximum. Allez, on fait une petite pause musicale. Vous êtes toujours à l'écoute d'Un coup d'œil dans le rétro. On va s'écouter un titre suffisamment connu. The Box Stop, The Later, sur Fat Jet. Et on se retrouve juste après ça. On est ensemble encore un petit quart d'heure. The Box Stop. The Letters. Letters sur Fat Jet. Un coup d'œil dans le rétro. Une fois par mois de 17h à 17h30 sur Fat Jet 94,2 en modulation de fréquence. À rappeler que The Box Stop, The Letters, c'est un titre de 1967. Et pour nous qui faisons de la radio, effectivement, c'est un extrait de la bande originale du film Good Morning England. On le connaît effectivement ce film, et d'ailleurs, je l'adore. Allez, on poursuit notre émission. On est encore ensemble pour une petite dizaine de minutes. Effectivement, 30 minutes, ça passe très très vite. Et on poursuit avec cette fois-ci un petit coup d'œil du côté des vieilles expressions. Parce que les vieilles expressions, moi j'aime les utiliser. Oui, je sais. Ah, j'adore ça. De temps en temps. Oh, une bonne vieille expression bien désuète te fait passer pour un ringot, ce possible. C'est absolument magnifique. En général, les gens sont un peu soufflés, d'ailleurs. Ils ne te comprennent pas. Pour les gens qui ont l'habitude de dire des trucs vulgaires, moi je trouve qu'on peut imager avec des bonnes vieilles expressions. Et notamment, on va en citer quelques-unes qu'on va vous expliquer pendant notre émission. Et on va commencer tout de suite. Et je vais te poser la question que. Parce qu'on est que tous les deux, hein, effectivement. Que veut dire cette expression qu'on utilise quand même assez régulièrement, peut-être nos mamans, peut-être pas les jeunes, oui. Être habillé comme un as de pique. Alors moi, je me souviens, ma mère, elle me disait ça quand j'étais petite. Oui. Et elle me disait, oui, qu'est-ce que c'est que ça ? T'es vraiment habillée comme un as de pique. Et moi, je pensais que j'étais super bien habillée, parce qu'évidemment, c'était moi qui choisissais mes vêtements. Mais en fait, pour elle, ça voulait tout simplement dire que j'étais mal habillée, j'étais mal fagotée. Alors effectivement, si on prend un as de pique et qu'on voit l'image de l'as de pique, c'est un peu, je sais pas, hein, si y a une... Mais alors, pour l'explication vraiment précise, au XVIIe siècle, l'expression désignait donc une personne chétive ou maigrichonne. Hein. Ouais. Par la suite, elle a représenté une personne étrange ou bizarre, mais... À la base, c'est quelqu'un de maigrichon et de chétif. Aujourd'hui, elle est surtout utilisée pour critiquer effectivement un habillement ou un accoutrement de mauvais goût. Au tarot, l'as de pique est un mauvais présage. Ouais, ça voulait peut-être dire que tu allais passer une mauvaise journée. Je sais pas. Alors, si on dit aussi n'avoir que son cul et ses dents. Alors, j'ai pas beaucoup entendu cette expression. J'entends pas beaucoup. Moi, je l'ai déjà entendu une ou deux fois. Alors, c'est une expression qui dit tout simplement. Je pense qu'elle est un petit peu violente quand même, pour désigner quelqu'un qui manque de personnalité. Oui, c'est vrai. Voilà, ça veut dire tu sers à rien en fait. C'est vrai que c'est un peu violent. Par contre, celle-ci où on entend régulièrement surtout avec les temps un peu difficiles, c'est tirer le diable par la queue. Okay. Alors ça veut dire quoi ? Je sais à peu près. Alors ça veut dire qu'au niveau des sous, ça devient un peu compliqué. Au niveau financier, notamment à cette époque, ça peut devenir un petit peu compliqué. Effectivement. Donc on peut dire effectivement en ce moment, je tire un petit peu le diable par la queue. Je suis dans le caca financièrement. Alors l'origine est mystérieuse, mais l'expression est apparue au XVIIe siècle aussi. Et selon Houdin, c'est alors travailler dur pour gagner sa vie. Selon Maurice Ras, ce serait de solliciter l'assistance du diable. Pour d'autres, ce serait tirer le cordon de sa bourse, car on disait d'une bourse vide qu'elle contenait le diable. Mmh. Un diable est un grand râteau que les paysans aussi utilisaient pour racler le champ dans les périodes de disette ou quand le seigneur leur prenait tout. Bon, d'accord. Donc voilà. Ah bah oui. On est fauché, quoi. Ah bah non, mais c'est ça, on est fauché comme les blés aussi. C'est vrai, pareil en poisson, on est fauché comme les blés. Ouais. Alors si on poursuit avec pas piquer des vers ou des hannetons, celle-ci j'ai lu. C'est quand même ton expression favorite. Oh, c'est pas piquer des vers, ouais. Avec un petit accent belge. Mon Dieu. Et donc, pas piquer des vers ou des hannetons, alors c'est pas banal, ça veut dire un peu ça, mais... On se méprend un peu sur l'origine principale parce qu'au départ, au XVIIe siècle, toujours, on disait ne pas être piqué des vers pour le bois, en général, qui était intact, donc parfait. Donc l'utilisation est un peu faussée. Ça voudrait dire finalement aujourd'hui que c'est intact, que c'est parfait, que ça D'accord. ne veut pas dire que c'est pas banal, D'accord. c'est pas original. C'est pas tout à fait la même chose. Là, on est plus sur une caractéristique originale. Alors, yoyoter de la cafetière, hein, on est souvent mamie qui yoyote un peu de la cafetière. Oui, après, ça peut nous arriver aussi de temps en temps. Ça peut nous arriver aussi un petit peu. Donc là, c'est divaguer. En argot, la cafetière désigne la tête depuis le milieu du 19e siècle. Il en est de même à des dates différentes. Alors, yoyoter de la touffe, hein, comme on dit. Donc là, c'est le cheveu. C'est toujours la toiture, la mansarde, c'est toujours le haut qui désigne toutes les choses haut placées, comme notre tête ou notre cerveau. Mais notre expression ne date que du milieu du 20e siècle, où là, yoyoter vient simplement du petit jouet aussi qu'on peut offrir à Noël, le yo-yo, ce jeu très ancien que certains considèrent comme complètement absurde, au point de juger ceux qui le pratiquent comme un peu yo-yotant, c'est-à-dire cinglé. On en avait parlé d'ailleurs du yo-yo dans une émission. C'est vrai, on en avait parlé dans une émission. Alors celui qui yo-yote de la cafetière ou d'une autre version argotique de la tête est vu comme bon à envoyer à l'asile. Bah c'est sympa. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme expression ? Comme expression, oui. Je m'entamponne le coquillard. Je m'entamponne le coquillard. Alors, en gros, c'est sans moquer. Hein. Le coquillard, là, c'est une expression du Moyen-Âge pour désigner l'anus. Ouais, voilà. Voilà, c'était s'entamponner le coquillard. Se monter le bourrichon. Alors, se monter le bourrichon, ça, on l'emploie quand même. Ça veut dire se faire des idées, un peu des illusions. Alors. Le rapport, c'est peut-être avec le bourrichon, donc qui était un dérivé de la bourriche, qui désignait donc le panier, notamment le panier, la bourriche d'huître, par exemple. Et en argot, en fait, c'est l'un des très nombreux noms des récipients utilisés pour dire la tête. Évidemment, la bourriche, la tête, comme on dit tout à l'heure, la cafetière, la carafe, pas tout. C'est ça. Et si je disais aussi ce soir, je vais me casser la nénette au close-up. Je vais me casser la nénette. Je vais me donner du mal, faire des efforts pour rien. On sait tous casser la nénette. Mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Effectivement, la nénette désigne la tête et serait une déformation de trombinette ou de compronette. Oh, exact. Les petits mots en net, c'est toujours mignon. Allez, voilà, on vous a donné quelques expressions à utiliser à Noël avec mamie, qui les comprendra. Hein, parce que wesh ma gueule, elle comprend rien, mamie, si on lui dit ça. <C'est pas faux. rire> Faut absolument pas lui dire ça, mamie, ou t'as vu gros, ou j'en sais rien. Mais mamie, si ça se trouve, elle s'est rencardée sur les expressions modernes, tu vois. Donc ça peut être un bon match à Noël, toi. Voilà, ou t'es vénère, frérot. Mamie, peut-être qu'elle comprendra ça, et du coup, vous pourrez lui dire, mais non, mamie, attends, oh, vous yoyotez un peu de la cafetière. Allez, on va se faire un petit titre, on s'écoute La fille du Père Noël. Oh, bah mince, elle ne fonctionne pas, la fille du Père Noël. Pourquoi elle fonctionne pas ? Je suis la fille du Père Noël. Eh ben, on va s'écouter un autre titre, c'est pas grave, on a toujours de la ressource. Bill Haley and the Comet, see you later, Alligator, sur Fadjet. Et on se retrouve encore pour 5 minutes. She told me, nearly made me lose my head. When I thought of what she told me, nearly made me lose my head. But the next time that I saw her, reminded her of what she said. See you later, alligator. Pretty daddy, you know my love is just for you. She said, I'm sorry, pretty daddy, you know my love is just for you. Won't you say that you'll forgive me and say your love for me is true? I said, oh, wait a minute, baby. Dans le rétro, une fois par mois de 17h à 17h30 sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. See you later, Alligator, c'est un titre de 1956. Allez, on poursuit cette émission qui va malheureusement bientôt se terminer. Et donc, on va faire un petit tour du côté des sorties à faire ce mois-ci et puis le début du mois prochain. Alors, ce soir, entre autres. Alors ce soir, je vous propose, mes amis, d'aller faire un petit tour à la Factorine. Vous pourrez assister à un concert de jazz à partir de 19h dans une ambiance festive et conviviale autour d'un vin chaud ou d'une bière, pourquoi pas, dans une ambiance un petit peu jazzy. Alors oui, aussi à noter, on fait notre petite pub quand même, que pour ceux qui ont un peu de temps aussi, vous pouvez vous rendre au 7 du boulevard Rector Seine à la MJC Pichon ce soir pour le close-up. Alors c'est pas hyper vintage, mais si, il y aura quand même le Père Noël, donc il est vieux. Et donc c'est ce soir, c'est un tremplin d'humour, une scène ouverte d'humour, 8 humoristes qui sont là pour vous faire rire tout au long de cette soirée. Il y aura une pause culinaire avec Bertrand, il y aura du sucré, du salé, ça ravira vos papis, une superbe ambiance, donc n'hésitez pas, il est encore possible de prendre des places, de venir tout simplement ce soir dès 20h à la MJC Pichon. Si on continue demain dimanche, il y a le brunch de Noël aux trois petits points de 11h à 16h. L'ambiance musicale sera assurée par Wilfried Dance sur des rythmes de l'indie, boogie and rock. Renseignements et réservations au 06 60 23 93 81 ou alors aussi tout simplement aller le chercher sur Facebook. Wilfried Dance, il y a aussi, il se fera un plaisir de répondre, car lui aussi il fait des cours de danse. C'est pas seulement des soirées, il faut aussi des cours de danse. Il est venu dans notre émission, il vient à peu près tous les mois de septembre. Alors quoi d'autre en le dimanche 27 septembre? Dimanche 27 décembre, et non pas septembre, à partir de 14h au 28 décembre, donc le lendemain 18h, je vous invite à aller au Vite Dressing rue de Liège à Nancy, qui est organisé par Apart Dress. Tout ça pour deux jours de mode et de chinage. Donc nous, le chinage dans un coup d'œil dans le rétro, on aime bien. Donc je vous invite à aller faire un petit tour. Merci, c'est pas mal pour les